postana pomoli na njo. Milena je, Milena, ti kako je la mama. Milena je, Milena, te kako postana, monte bangala pesi, kemo mi obatela, nazala kamo sugete mama, opa ya kopa. Yangana kongana tongi, bako langa te, yona ye, yona ye. Tous les jaloux ont dit du mal de nous, mais t'en fais pas ma chérie. Ils seront déçus, y'en a yé, y'en a yé. Moi la maman, y'en a yé, y'en a yé. La nouveau cavalité, yo yo yo yo, yo yo yo yo, yo yo yo yo.